c'est l'histoire amoureuse, ô danse fabuleuse, d'un galant tiare, d'un tendre commissaire, que l'on croyait si belle, et qui ne l'était pas. Ha ha ha!